L'opale tu n'as pas calculé, c'est là que tu t'étonnes ma petite fille. Dans le rap tu sais j'ai passé mon temps à me buter comme Marilyn. On m'a jugé trop atypique mais j'ai assumé, c'est assuré. Tu me vois rusé quand je lâche une énorme face sismique. J'ai la recette, je peux cibler juste le pire des buts. Pas de blême et passe le glaive, faudrait retirer le pull des traces que je laisse. Et j'accède presque au dernier étage, c'est le jeu mec. Y'a pas de remède, c'est trop sec, je vais étaler ce que j'ai. Et chaque 16, rase le reste, je te connais pas. Mais je te lâche même le dur taf que j'aime. Merde, est-ce que tu captes le geste? Je peaufine et y'a pas de place pour la mono. Parfois je gratte tout par promo, c'est peut-être bête mais je refuse l'âge de pierre. Tout est réglé et ça se place précisément. Non, je pourrais céder mais y'a pas de répit, j'esclenche. J'm'attarde, j'ai pris d'élan, y'a plein le taf, j'écris tellement que ma page craque. À part ça, m'attache chaque phrase, mes rimes s'étendent. Et c'est pour toi, public, c'est le foutoir. Mais je vais pouvoir marquer tout quoi que tu dises, mec, tous les jours, roi du pic. C'est mon seul vœu sur terre. Posez vite, féroce le beat, décrocher le titre. Si t'faut des rimes, j'te le fais sur mesure, frère. Chaque 16, sur mesure, sur mesure. Les jeux sont faits, les jeux sont faits. Les rimes s'étendent. Sur mesure, tu leur produis ça. X-Men, l'homme pâle, DJ Lola, technique vocale et reprochable. Achète la maquette, j'envoie une barquette de mots fumants. L'opulence est un fait, il faut du temps, j'm'y attelle. Pas de j'arrête des tas de mecs polluant les ondes. Car c'est là que j'fais des sales textes pour que mon rap reste évolué dans les sondages. Réalité tronquée, tu t'es trompé, contesté, tant t'as des faveurs. C'est ça même, je flâne, mais je dépasse mes malheurs. Décale dès que le quart d'heure de kickage est à bout, mec. Muni de mes boules caisses, dès que tes boucles viennent tous faire des coupes et cypher. C'est pas l'heure, jamais tes offres dépasseront ma demande. Il reste quelques barres, j'attaque en balle à chaque phase. On a le sens de la formule sortie dans hors piste. Cherchant l'or pur, j'mets le forcing pour faire fortune en temps de crise. Genre plus hormis lors de tes concerts, j'frite comme une otite, j'pique comme une ortie, fortige le style te décomplexe. Les sosies ont peut-être assimilé, n'essaie pas d'imiter mes facilités. Va vérifier la dinguerie que fait ton ex. J'abrite l'arme, dénommé réflexion. Les sections de mon cerveau me servent lors des sets de concert. Les jeux sont faits, mais c'est pas bon de laisser tomber. Donc pour m'aider, j'conseille de rester hors des règles et de plaire à la James Bond. Le taf est sur mesure, j'balance un tube de plus comme table. Tos ma plus que pur et nos bastos s'allument le cul. Y'avait tant de raisons de casser la baraque et ton rap. T'as du mal à garder ton calme, la tête dans le caisson de basse. Rappelle tes sponsors, tu leur montres du sage et tout d'une arme. Quand j'rappe les tout dur parking, ce qu'on bousculera. C'est tout vu, j'crame, c'est trop du coup obsédé par l'or et la frime. Ils ont tous du swag, des goûts de puceau, les mettre d'accord, c'est facile. Il fera partie de l'avenir, ce petit bateau de France. Et vous ne vous rendez pas compte, je vous vois venir de plus loin que vous ne le pensez. Je tends les pièges, les cache et attends, concentré comme un cycliste. Tente d'essayer de braver la tendance en restant implicite. La tête dans le guidon, trop sale pour l'art, trop science-fiction. On bosse la vente aux plaques, notre propagande se propage au-delà de votre champ de vision. Je croque la pomme, je pense qu'il tombe, mes fils t'ont comment dire. Sans rire, c'est une offensive authentique autant que t'y songe. Rime sans cesse, sans égal, d'emblée t'as le calbar mouillé. C'est sans échappatoire, tes sangliers à ma table brouillé. Pour faire simple, il est trop tard, je dirais que notre athlète, les quotas, fixe peine l'homme pâle, DJ Lola, technique vocale et réprochable. Chaque 16, sur mesure, les jeux sont faits, les jeux sont faits, les rimes s'étendent. Sur mesure, tu leur montres du ça, technique vocale irréprochable. Des rimes, je te le fais sur mesure, frère.